Une férocité impossible à atteindre de Judith Louis. Regardez l'autre. Troisième émission. Il ne s'est assis à côté de moi que quelques stations plus tard. Il était âgé et avait du mal à s'asseoir sur le strapontin. Je lui ai tenu le siège tandis qu'il se pliait avec douleur. Au début, j'ai cru qu'il était aussi aveugle. Un seul œil restait ouvert et fixé droit devant lui. C'est pour ça que je l'ai aidé, parce que je pensais qu'il ne trouverait pas sa place tout seul. Assis à mes côtés, le regard toujours fixé sur un horizon souterrain, il a demandé « Châtelet ?» J'ai souri avec un oui. Il avait un petit sac en plastique marron, duquel il a sorti un autre sac en plastique transparent, rempli de bonbons de toutes les couleurs. Il m'en a proposé, tendant vers moi son trésor froissé. C'est gentil, mais non, merci beaucoup. Je l'ai regardé, j'ai compris qu'il me voyait. Il a tendu son bras vers les autres passagers, sans un mot, tous ont refusé, souriant, sans un mot. Il a ramené son trésor vers lui et doucement l'a redéposé à l'intérieur du sac marron. Châtelet, c'est sûr, le sac vient de tomber sur le sol du wagon. Je me penche pour le ramasser. Oui, oui, c'est sûr. Il n'a rien saisi de la manœuvre. Le sac marron est de nouveau sur ses genoux. Oh là là, au Lido, ils m'ont fait boire une pinte, je suis complètement abruti. Il avait parlé tellement fort que chacun esquissait un sourire, mais personne n'osait le regarder. Combien de stations ? Encore 6. Je l'ai vu poser 6 doigts sur ses jambes frêles. Il faut que j'aille changer les chaussures, 46 au lieu de 44. C'était donc ça qu'il y avait dans le sac plastique. En effet, maintenant, je me rappelle avoir entreaperçu une boîte oblongue en carton blanc. Combien encore ? 5. Ah oui, 5. Ouh là là, je suis vraiment complètement beurrée. Je vous dirai quand on y sera, je descends juste après, je vous promets que je vous dirai. Sa main s'est repliée d'un seul coup, reconnaissante. Regardez ses chaussures à lui. Il porte des chaussures de neige en ville. Sans m'en rendre compte, je baissais les yeux sur les semelles caoutchouteuses et crantées du monsieur d'en face. Tous les passagers avaient fait de même, éveillés à autrui malgré la torpeur du transport urbain. Moi, je sais comment on s'habille, je suis maquilleur au Lido, je sais comment on fait. Il devait aller changer les chaussures pour un danseur. Je m'étonnais de sa fonction au vu de son âge. Peut-être l'avait-il été. Peut-être l'était-il encore en cadeau, en souvenir. Peut-être avait-il tout juste le droit d'arpenter les coulisses, de commencer à les hanter. Un petit service par-ci, un petit sourire par-là. Tu ne veux pas aller échanger les chaussures ? Quand on songe à sa maigre silhouette, à son dos voûté et à son regard bancal, ce n'est pas un petit service. Ce serait plutôt une immense tâche, une vraie faveur à leur égard. Je vais vous montrer ce que c'est que la véritable élégance masculine. Il a plongé sa main dans le sac marron. Un mocassin noir en est ressorti, brillant avec une lanière dorée large comme une barrette. D'un mouvement du bras, la chaussure à la main, il a fait le tour du petit cénacle. Classique, sobre, de bon goût. Le sourire de chacun était voilé du regard qu'il n'osait pas soutenir. C'est la prochaine maintenant. Il avait rangé son petit bazar et s'était déjà redressé comme attendant le signal. Il s'est relevé comme il s'était assis, en prenant son temps, avec la sollicitude dans le regard des autres. Tout le corps se dépliait. On aurait presque entendu les os craquer s'il n'y avait eu autant de douceur dans le mouvement. La rame est entrée en gare. Il s'est retourné vers le voyageur aux chaussures de montagne. Sans rancune, il a soulevé le loquet. Il est descendu avec difficulté, avec lenteur. Les portes se refermaient. Tous les visages se sont tournés de connivence vers lui. J'ai regardé cette jeune femme sur la banquette d'en face. Un mauvais goût certain se dégage d'elle. C'est comme si elle avait travaillé d'après photo ratée. Photo de magazine pour filles bétassonnes, qui applique tout au pied de la lettre. Ou photo de sa grand-mère, peut-être. génération de ma mère. Sauf que ma mère avait le chic inné, celui de la dignité. J'ai trop bu avant de partir. J'ai ces images qui roulent de génération en génération, qui s'agglutinent, qui me déchirent. Ma mère, pendant la guerre et juste après. Le ciel est noir, du plomb. Elle qui pédale comme une folle. Ses routes caillouteuses, trop caillouteuses. Elle n'avance pas assez vite. La nuit est courte et demain va arriver trop vite, comme toujours. Demain. Heureusement que le pasteur, sans certificat de baptême, s'était foutu. Aucun curé n'a voulu. Il y a juste eu ce pasteur. Toute une nuit a roulé pour les obtenir. De village en village, d'une église à une autre. Toute une nuit à frapper aux portes, à espérer de l'aide. Tout a été précipité. Ils viennent demain, avait-on chuchoté dans tout le village. Ils viennent voir. Ils viennent demain. Et tout le monde savait à qui ces mots s'adressaient, sans nommer. Protégé par la rumeur, est-ce déjà un acte ? Mes certificats sont dans la sacoche, antidatés. En cette nuit de guerre, elle a fait de bons chrétiens. Et qu'ai-je fait de ce bon chrétien ? Un serviteur de demi-mondaine. Un même pas dépravé qui a mené sa vie de rescapé sans en profiter. Que mes pieds me font mal. Que mon dos me fait mal. C'était « Une férocité impossible à atteindre » de Judith Louis. Regardez l'autre. Troisième émission. Avec Sarah Lepicard et Guy Chapelier. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistance technique et montage, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy.